ce vendredi à La Vie en BD. Un regard sur la programmation du 31e Festival Québec BD, une lecture de la bande dessinée White Horse de Samuel Quentin et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour porter un regard sur la sphère du 9e art. Et on a déjà un peu amorcé au fil des dernières semaines un regard plus événementiel, si on peut dire, autour de ce qui se passe à Québec, parce que Dieu sait qu'il va s'en passer des choses, énormément de spectacles, énormément d'expositions, énormément d'activités. On vous a déjà parlé d'un spectacle ancré dentelle entre modèle burlesque, spectacle burlesque et modèle vivant. On vous a parlé également d'expositions de bandes dessinées en trois dimensions, d'expositions autour d'auteurs importants et un peu oubliés de l'histoire québécoise, entre autres éléments. On va aussi porter des regards sur d'autres activités qui s'en viennent cette semaine et la semaine prochaine, notamment en fin d'émission avec Jean-Dominique Leduc de la librairie Z qui va être de passage à Québec pour proposer une lecture dessinée de White Horse de Samuel Quentin, une habitude qu'il a pris un peu dans sa librairie d'offrir de manière sporadique de telles lectures. Alors on va jaser avec lui de ce procédé-là et surtout aujourd'hui, on va en profiter pour porter un regard assez panoramique sur essentiellement l'événement qui encadre l'ensemble de ces autres événements, de ceux dont on a parlé dans les semaines dernières et de ceux dont on parlera dans les prochaines semaines également. Donc, le 31e Festival Québec BD, nouvelle identité du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, mais même effervescence. Alors, énormément d'activités et on profitera d'une longue présence, en fait, du directeur général de l'événement, qui en est aussi le programmateur, pour décrypter, pour survoler, pour explorer de manière précise et détaillée la programmation de l'événement. Alors, c'est essentiellement notre menu cette semaine. J'ai bien hâte de découvrir justement les tenants et les aboutissants de cette programmation dans quelques minutes. Et comme d'habitude, on commence avec quelques notules d'actualité, notamment l'imprimerie belge Graphius, dirigée par Denis Greers et réputée pour ses impressions de livres d'art, a acquis récemment l'imprimerie française PPO, spécialisée dans les bandes dessinées et qui compte comme clients les éditeurs d'Argo, Dupuis et Casterman, donc des séries phares comme Astérix, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Largo Winch ou encore les Schtroumpfs, une entreprise flamande qui devient essentiellement la plus grande imprimerie de bandes dessinées d'Europe. Alors, à surveiller peut-être un peu ou sinon des nouvelles à tout le moins de l'évolution de l'industrie de l'impression en Europe. Et sinon, autre nouvelle, Ava DuVernay est en train de finaliser un accord avec l'éditeur de bande dessinée DC Comics et le studio Warner Brothers pour réaliser l'adaptation au cinéma des aventures de New Gods, les nouveaux dieux. Alors, ces super-héros, créés, on le rappelle, par Jack Kirby en février 1971, sont natifs de planètes jumelles New Genesis et Apocalypse, l'une utopique dirigée par le bienveillant Highfather, l'autre cauchemardesque tenu par le tyrannique Darkseid. Highfather et Darkseid se livrent donc à des affrontements immémoriaux qui se répercutent sur Terre et The New Gods serait le deuxième film majeur de super-héros réalisé par une femme après Wonder Woman qui, a-t-on besoin de le rappeler, a été réalisé par Patty Jenkins. Et enfin, dernier petit clin d'œil, après plusieurs semaines de vote du public, quatre titres se sont démarqués par les 30 bandes dessinées en compétition pour le prix de la FNAC Belgique. Alors écho au prix de la FNAC France. Ai-je besoin de rappeler que le 6e prix de la FNAC en France a été décerné à Betty Boob de Véronique Cazot et Julie Rochelot chez Casterman. Et donc, c'est maintenant à la Belgique qui a été invitée à choisir, dans leur cas, leur 5e prix. Alors, en termes de finalistes, alors il y a des équivalences, peut-être un brin, et il y a des nouveaux titres qu'on découvre. Alors, entre autres, Alexandre David Neal, tome 2 de Fred Campois et Mathieu Blanchet chez Bambou. Également chez Bambou, l'adoption de Zidrou et Arnaud Morin. Vous avez aussi le conflit israélo-palestinien de Vladimir Grigoriev et Abdel de Bruxelles au Lombard. Et enfin, le tome 1 de la série Chi de Zidrou et José Homs, offert chez Dargaud. Alors le prix, lui, sera décerné le 17 avril prochain du côté de Charleroi en Belgique, en présence des finalistes. Alors voilà pour ces quelques notules d'actualité. En musique, cette semaine, c'est la formation Miscellaneous Spinozer qui nous accompagne avec leur EP The Trashman. Et on écoute de facto un premier extrait. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle, vous pouvez écouter certaines de nos émissions en balado-diffusion. On a un peu de retard à rattraper, mais tout ça va être bientôt disponible sur lavieenbd.wordpress.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et avec nous maintenant en studio, en fait, le directeur général et programmateur du 31e Festival de la bande dessinée, Festival Québec BD. Il va falloir que je m'habitue. Thomas-Louis Côté, bonjour. Bonjour. Et justement, ben, enfin, on en avait fait mention, mais je pense qu'on peut revenir aussi là-dessus, justement, nouvelle identité, nouvelle ère d'aller après une grosse 30e édition de Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On en a profité pour changer un peu la nomenclature de l'événement et ça devient maintenant le 31e Festival Québec BD. Oui, ben on a eu la volonté dans l'organisation du festival, parce que le Festival de la bande dessinée francophone existait depuis 88 quand même sous cette appellation-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du festival, on est un organisme. Donc on organise des activités à l'année à différents endroits et dans un premier temps, ça pouvait porter à certaines fois à confusion là, de toujours parler du Festival de la bande dessinée francophone, par exemple au mois de juillet, alors qu'on est en avril, donc on devait beaucoup justifier par rapport à ça. Cela dit, on avait aussi l'appellation francophone dans notre nom, et on avait quand même depuis quelques années l'occasion d'accueillir des auteurs qui ne parlent pas français ou qui ne produisent pas de la bande dessinée en français. Donc encore là, on devait souvent se justifier, et on a fait le choix cette année de voir vers où on veut aller aussi de ce qu'on faisait maintenant comme organisme, et de simplifier notre appellation. Donc l'organisme comme tel s'appelle Québec BD, et on présente une fois par année le Festival Québec BD. Et tu parlais, en fait, du côté international, en fait, de l'esprit international de l'événement, de la variété des langues qui sont présentes. Mais si on sort justement de l'appellation francophone, ça nous amène vers la Russie, ça nous amène vers l'Espagne, vers l'Asie, etc., etc. Oui, bien, cette année, c'est un bon reflet, dans le fond, de la tangente qu'on veut prendre. Ça va être un petit côté plus international, quoique, je tiens juste à préciser qu'on se donne quand même comme mandat premier de faire la promotion de la bande dessinée québécoise, que ce soit au festival ou dans nos actions en général. Ça reste Québec BD. Donc, au niveau des invités internationaux, on veut quand même élargir un peu le spectre de ce qui est proposé. Donc, cette année, ben, on a quand même une belle diversité en ayant des gens de la Belgique, mais aussi de la France, de l'Espagne, de l'Italie, du Liban, de la Russie, de Cuba et peut-être d'autres surprises à venir. Et donc, dans le fond, il y a un peu cette volonté-là d'aller découvrir un peu ou nous faire découvrir ce qui se fait ailleurs, dans le fond, que dans la sphère franco-belge. Parce que quand tu me parles, par exemple, de dessinateurs russes ou de la scène au Liban, ben, c'est pas des scènes BD que d'emblée on connaît tant que ça. Exactement. Mais souvent, c'est des scènes qui ont des similitudes avec la bande dessinée au Québec. C'est-à-dire que c'est des petits marchés pour la bande dessinée avec des éditeurs en développement et tout. Au Québec, on a quand même maintenant, on est sur une aire d'aller au niveau de la bande dessinée. Le marché est quand même très bien, pas important. Mais c'est intéressant de voir dans d'autres pays, par exemple le Liban, qui est un pays francophone, de voir un peu ce qui se passe, puis dans un contexte politique qui est complètement différent du nôtre aussi. Donc, c'est intéressant d'amener ces gens-là. Il y a aussi le fait, par contre, que en ayant l'occasion d'aller dans d'autres événements à l'étranger, j'ai été en France, j'ai été à quand même plusieurs endroits, on fait des rencontres de gens intéressants qui ne cadraient pas nécessairement dans ce qu'on faisait avant au festival. Mais là, avec l'ouverture qu'on peut se donner, ça va permettre justement de développer ces liens-là et de créer des nouvelles rencontres. Et de faire des rencontres autant avec les gens qu'on amène ici qui découvrent l'écosystème BD québécois, autant les gens d'écosystème québécois qui peuvent nouer des liens justement avec des écosystèmes qui sont généralement peut-être un peu plus éloignés de leur contact habituel, autant de la sphère américaine que de la sphère franco-belge. Donc, on éclate un peu ça aussi en matière de prise de contact. Mais je pense que le mot qui guide encore le festival, c'est la rencontre. Donc, que ce soit avec le lecteur ou entre professionnels. Si je regarde dans les invités qui viennent cette année, par exemple, quelqu'un comme Victor Melamed de Russie et quelqu'un qui m'a été suggéré par Philippe Girard, c'est un auteur ou un illustrateur qu'il avait rencontré lors d'un séjour à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un autre événement. Donc, de pouvoir faciliter sa venue, c'est assez intéressant comme ça. Fait que ça permet de travailler avec le milieu aussi, puis de que les liens soient pas uniquement entre notre organisme et d'autres coins du monde, mais que les auteurs qui eux-mêmes font des rencontres intéressantes à l'étranger peuvent nous contacter pour voir comment on peut aiguiller les choses. Oui, puis dans le fond, j'imagine, c'est de trouver des façons aussi de permettre à ces auteurs-là d'aller rencontrer le public. L'exemple de Victor Melamed est intéressant en ce sens parce que vous allez lui faire faire une fresque sur les 5 jours du Salon du Livre. Oui, ben c'est un peu la problématique du public de Québec, c'est qu'il est très francophone. Donc, à chaque fois qu'on a organisé des activités classiques, si on veut, autour de d'auteurs qui ne parlaient pas français, ça a été plus difficile. Mais là, on va trouver des façons justement par rapport à des fresques ou des rencontres spécifiques à certaines communautés à accueillir ces auteurs-là pour les mettre en valeur. Là. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une occasion pour lui de montrer un peu son style, de parler un peu de son travail, un peu un artiste à l'œuvre de manière un peu plus intensive, si on peut dire. Oui. Un peu comme tu avais fait l'an dernier avec Franck. On l'avait fait avec Franck P. l'an dernier. Cette année, le fait de le proposer à Victor Melamed, c'était justement pour lui permettre de prendre le temps de discuter avec les gens, discuter de son travail. En plus de la fresque qu'il va avoir sur place une petite exposition, là, mais des échantillons de son travail. Il y a une exposition qui est consacrée à son travail à la brûlerie Saint-Roch, mais au Salon du Livre comme tel, les gens vont quand même pouvoir découvrir son travail qu'il l'a amené à publier dans des magazines comme le Rolling Stone puis le New Yorker. Qui sont pas les moindres, on s'entend. Non, effectivement. Et échanger avec lui, dans le fond. Parce qu'on veut faire ça pour la plupart des auteurs, là, trouver des moments de rencontre. Des fois, ça se passe par la dédicace, mais il y a aussi d'autres occasions là, de venir rencontrer les auteurs. Et tu parlais en fait justement de ta présence, Thomas-Louis Côté, dans différents événements, dans différents contextes. L'année dernière, je pense qu'on s'en était parlé, tu étais allé faire un tour du côté de Cuba, et donc là, cette année, ben Cuba vient ici. On n'avait pas pu amener des auteurs dans les suites du salon de La Havane l'an dernier, mais là, cette année, c'est Alexander Izquierdo qui vient à Québec de Cuba, finalement. Oui, puis Alexander Izquierdo, c'est quand même le premier auteur cubain à être publié en Europe. Il est publié à la maison d'édition Mosquito. Il est en train de préparer un deuxième livre, d'ailleurs. Mais dans un pays où le contexte n'est pas favorable à l'exportation des talents, on va dire ça comme ça, c'est assez intéressant d'avoir un auteur. C'est la deuxième année, dans le fond, qu'on a un auteur cubain. L'an dernier, on avait Aracely Larrio, oui, c'est vrai. Reyes, qui est venu et qui aussi, cette année, lance son premier livre au Québec. Donc, il y aura possiblement l'occasion de la rencontrer durant le Salon du Livre, mais c'est un livre jeunesse. Donc, et on tente de tisser des liens justement à Cuba avec la Vitrinaire de Valonia, qui est un centre de promotion de la bande dessinée à La Havane. Et on a présenté une exposition là-bas. Et l'exposition va être représentée normalement en août prochain aussi, dans le cadre d'un événement de BD qui a lieu à Camagüey. Et on parlait du Liban. Peut-être tu peux nous parler peut-être un peu aussi du travail de l'auteur, puisqu'on l'a mentionné en filigrane. Il s'agit de Lena Meherj. Oui, mais c'est une auteure qui a travaillé sur un collectif qui est très important là, en bande dessinée indépendante au Liban. Donc, Samandal, elle et ses collègues ont quand même créé une bande dessinée qui est quand même engagée. Et il y a eu plusieurs manifestes qui ont publié justement pour essayer de se faire valoir dans le contexte politique là-bas. Et c'est ça, donc c'est une auteure qui est quand même assez bien vue du côté européen également. Elle se promène beaucoup. Et ça permettra de l'avoir à Québec. Pour nous, c'est un grand plaisir. Là. Mm-hmm. En fait, de faire découvrir une auteure, de faire découvrir l'écosystème. Mm-hmm. Ça revient un peu à ce qu'on disait. Et si on poursuit un peu, il y a aussi, dans le fond, des gens d'Italie, des gens de l'Espagne. L'Espagne, c'est un cas particulier aussi, dans la mesure où il y a une résidence, si je me trompe pas, qui est associée à la présence de l'auteur Javier ici. Oui, il y a deux résidences cette année qui sont organisées par le festival. Donc, une avec la Belgique, avec Mathieu Burnia, un auteur fort intéressant qui a travaillé en science et bande dessinée, notamment. Donc, il va être ici en avril et mai. Et Javier d'Espagne, dans le fond, c'est un auteur qui vient dans le cadre d'une résidence d'un mois qu'on a mis en place cette année en collaboration avec la Jusso School of Comics de Barcelone. Barcelone qui partage avec Québec le plaisir d'être une ville littéraire de l'UNESCO. Donc, il y a la volonté, dans le cadre de cette nouvelle appellation là, pour la ville de Québec, de développer des liens avec les autres villes littéraires de l'UNESCO ou même les autres villes créatrices de l'UNESCO. Et c'est pour ça qu'on a activé des liens qu'on avait mis un peu de côté depuis quelque temps là, avec la Jusso School pour vraiment développer un lien avec Barcelone. Donc, c'est pas dit qu'il n'y a pas un auteur de Québec qui ira en résidence à Barcelone prochainement non plus. Donc, c'est ça. C'est vraiment l'idée de poursuivre des ponts, des liens, etc. Et en même temps, le choix de Javier, c'est fait par sélection, par proposition, par... Ben, comme je dis, en travaillant avec la Jusso School, eux ont un bassin de professeurs et d'amis de l'école qui rassemble à peu près toutes les auteurs catalans qui publient en Europe. Donc, dans ce cadre de ce premier échange-là, un des critères que j'avais mis en place, c'était que les livres de l'auteur soient disponibles ici, que ce soit en anglais ou en français. Mais dans le cas de Javier, il est publié aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre, fait que ça rendrait facile sa venue. Oui, parce que ça reste toujours l'enjeu, en fait, quand on est beaucoup dans la découverte. Encore faut-il penser que si on fait découvrir un auteur, ça devient toujours un peu crève-cœur de pas après ça pouvoir mettre la main sur les livres. Ça avait été une situation, par exemple, l'an dernier avec la délégation de Shanghai, où à la fin, on partait avec des adresses parce qu'il y avait des livres qui allaient être achetés, on n'avait pas apporté assez, etc., etc. Mais c'est des beaux problèmes quand même. Effectivement. Mais effectivement, cette année, il y a des auteurs, par exemple, Tiffaine Gantel et Timothée Maurice, qui, eux, seront en résidence à Québec aussi en avril-mai à l'Institut canadien. Donc, ils font partie d'un collectif qui s'appelle DIG, qui a gagné un prix au Festival d'Angoulême l'an dernier. Donc, eux vont arriver avec leur livre en main, et j'ai l'impression que ça va s'envoler très vite. Oui, bien, généralement, en fait, parce qu'on dirait qu'il y a quand même quelque chose dans des événements comme ça, que ce soit le Salon d'Yves ou le Festival, parce qu'évidemment, le lieu principal de rencontre des auteurs du Festival Québec BD, c'est dans les espaces Québec BD au Salon du Livre. Veux pas, enfin, on découvre l'individu autant qu'on découvre l'œuvre. Et si on connaissait déjà l'œuvre, on découvre l'individu. Donc, ça crée... L'idée, c'est de créer un contact, en fait, une opportunité de prise de contact entre le lecteur et l'auteur. Oui, puis c'est aussi un lieu d'échange. T'sais, on en parlait tantôt, mais entre les auteurs québécois et les auteurs étrangers en visite. Donc, au Salon du Livre, on s'arrange pour mettre des auteurs européens ou autres, toujours en dédicace avec des auteurs du Québec, justement pour qu'ils se créent des discussions, puis que les gens aient le temps d'échanger. Et ça se reflète dans les activités hors salon à ce moment-là, où les gens prennent un verre ensemble, continuent des discussions, et ça crée des beaux liens. Là. Oui, puis c'est important de le mentionner aussi, parce que je pense qu'on le répète un peu à chaque année, c'est toujours un peu un grand défi. Le Salon du Livre tire énormément de gens, je pense qu'il y a pratiquement 60 000 personnes et plus. 68 000. 68 000 l'an dernier, qui vont faire un tour dans l'espace, donc ça canalise la bonne partie du public littéraire. Mais en parallèle, en fait, la bande dessinée, et c'était le cas un peu l'an dernier pour le 30e, et j'ai l'impression, Thomas-Louis Côté, que tu as poursuivi dans l'élan du 30e, il y en a pratiquement autant d'événements partout à travers les quartiers centraux. centraux de Québec. Là. Ben, c'est une belle problématique qu'on a eue cette année où je m'attendais à avoir une année plus tranquille et finalement, en regardant les opportunités qui sont présentées à nous, on présente à peu près autant d'expositions cette année que l'an dernier. J'en ai compté 29. 29. L'an passé, t'en avais 30, il y en a une de moins. Une de moins, quand même. Et aussi beaucoup de spectacles, beaucoup d'activités. Donc, c'est pour ça qu'on a maintenu les dates du 7 au 15 avril plutôt que de revenir sur la période de 5 jours, justement pour ventiler un peu les activités qu'on présente et permettre aux gens d'en faire le plus possible, puis de créer des nouveaux liens aussi, parce que par exemple on est à la Maison de la Danse, Maison pour la Danse cette année, le dimanche 8 avril avec deux très intéressantes activités, donc un café modèle vivant avec des danseurs, donc venez, vous pouvez venir dessiner en compagnie de gens comme Julie Rochelot, Paul Bordelot qui seront là pour croquer sur le vif les danseurs qui prendront des pauses, vraiment dans le même style qu'un atelier de modèle vivant, mais avec un bon café et tout, et en après-midi, ben, c'est une activité pour toute la famille, dans le fond la sieste dessinée, c'est un concept qu'on a développé qui s'inspire des siestes acoustiques qui sont présentées à Paris, donc un dessinateur qui va faire du dessin en direct de façon apaisante et un musicien qui va jouer tranquillement aussi avec une petite lumière feutrée et tout est en place pour que les gens relaxent. Et si les gens veulent dormir, ben ça s'appelle pas la sieste dessinée pour rien. C'est vraiment l'occasion de se laisser aller. Donc on se pointe en fait vers 13h30 à Maison pour la Danse et là on apporte le matelas. On s'installe et quand tu dis dessin apaisant, c'est dans le choix des couleurs, dans le choix des thématiques. Couleurs, le trait, l'idée est de pas faire des dessins très rapides non plus. C'est de prendre le temps de dessiner quelque chose de posé, travailler avec des encres, des pinceaux. Projeter au plafond? Projeter un écran qui va être en angle, donc qui va permettre aux gens qui sont au sol de bien voir le dessin. Donc ça devient un défi quand même intéressant parce que effectivement on a beaucoup vu, je trouvais en fait ce type d'activité-là, bon, dessin en direct, souvent c'est dans l'urgence, en fait avec l'impro BD entre autres, dans des spectacles et autres, où on les voit dessiner rapidement, de manière intensive, avec une musique qui est plus rythmée souvent, donc dans ce cas-ci c'est plus dans l'optique de décomposer le mouvement presque. Oui, puis on crée vraiment une ambiance qui va être propice au sommeil dans le fond. C'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même quelques personnes qui se laissent aller qui se prêtent au jeu de dormir, mais ça permet aussi pour des jeunes familles de venir au moment de la sieste et de peut-être profiter de ce moment-là pour faire une sieste en public avec les enfants. Là. Oui, puis le concept, en fait, tu disais, ça vient de Paris, donc c'est quelque chose qui a déjà été testé. Est-ce que c'était sieste acoustique? Est-ce que la dimension dessin, vous l'avez rajoutée ou c'est quelque chose qui avait déjà là-bas? La dimension dessin est quelque chose qui a été testé à quelques occasions dans ce contexte-là, avec Charles Berberian notamment, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont fait souvent. C'est vraiment... leur concept, eux, tournait vraiment plus autour de la musique. Donc, ça pouvait être des ensembles, ça pouvait être même du chant lyrique, mais rarement, ils l'ont fait avec du dessin. Donc, je trouve l'idée intéressante. J'avoue que c'est quelque chose d'intriguant comme événement de se dire, OK, on va aller dormir un samedi, un dimanche, en fait, 8 avril. C'est un peu avant, d'ailleurs, la frénésie du Salon du Livre. Donc, on profite un peu, j'ai l'impression, de cette fin de semaine-là pour offrir quelques petites activités, justement, comme cette journée-là à la Maison pour la Danse. Donc, de se dire, on offre des éléments, on bonifie un peu la programmation en journée. Ouais. Dans un autre contexte que celui qu'on retrouve là, au Salon du Livre. Dans le fond, autour de ça, il y a aussi une exposition de Julie Rochaud, d'ailleurs, puisqu'on est sur la maison, qui va être présentée donc, encore une fois, de la thématique du mouvement, de la danse. Oui, ben Julie Rochelot, qui, avec Betty Boop, a fait quand même plusieurs planches où on a des scènes de danse, mais a fait aussi plusieurs illustrations qui tournent autour de la danse, dans Swing notamment, et elle a décidé de même en créer des nouvelles pour l'exposition, donc autour du tango, il y a des très très belles choses, donc on va présenter ça dans le studio B, donc la Maison pour la Danse. Donc l'avantage, c'est d'aller faire un tour, de profiter de la journée, de voir l'expo. On peut pratiquement passer la journée, à pleine journée là, si on a envie de dessiner. Et je trouve intéressant aussi l'idée de dessin participatif qui revient quand même souvent. Dans le fond, il y a l'activité de modèle vivant du dimanche matin. On en a parlé un peu il y a quelques semaines avec Simon Trudeau, donc Ancré Dentelle, dans lequel il y a une dimension de dessin participatif pour ceux qui veulent. Mais parallèlement, dans des événements comme ça, on peut aussi aller simplement voir les gens dessiner également sans nécessairement se sentir obligé de dessiner soi-même. Dans l'activité de modèle vivant, ben, c'est des danseurs, donc j'imagine qu'il y a de la danse aussi. Dans l'activité Ancré Dentelle, ben, c'est un spectacle burlesque avec du dessin direct, donc il y a une dimension de spectacle dans les deux cas aussi. Mais il y a plusieurs occasions, effectivement, le Comic Jam aussi, où les gens vont pouvoir collaborer sur des bandes dessinées. Mais je pense que le fait de dessiner en groupe est toujours très motivant, de voir ce que les autres font, de se tenter, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui dessinent pour eux, donc de venir le faire c'est un petit défi qu'on essaie de lancer, là, de montrez-vous, les gens qui dessinent. C'est toujours le fun de voir ce que vous faites. Et tu parlais tantôt de l'aspect familial, on parlait de nouveaux lieux aussi. Il y a entre autres une grosse journée famille, en fait une journée complètement BD, qui est présentée du côté du domaine Maizeray, où là, c'est des auteurs, en fait, qui vont accompagner, dans le fond, dans différentes animations, des jeunes dans différentes expériences de dessin. Ben, en fin de compte, c'est même plus qu'une journée, parce que les activités au domaine Maizeray se déroulent sur 3 jours. Donc, on parle du vendredi 13 au dimanche 15. Le vendredi 13 étant une journée pédagogique, il y aura des animations toute la journée avec différents auteurs. Donc, on parle de Bach, Léa, Dionne, Laurence Déa, Dionne, aussi Pierre et Julien Dallaire-Charret. Et le samedi et dimanche, en avant-midi, ben, il y a des ateliers qui sont offerts. Donc, venez créer votre monstre avec Pierre, ou un atelier de zizine, donc des fanzines avec Laurence Déa, Dionne. Donc, ça permettra aux gens de venir s'amuser, mais dans un contexte qui est peut-être plus relax là, que le Salon du Livre, où il y a quand même full le samedi et dimanche matin. Là. Oui, puis j'imagine que c'est l'idée aussi d'explorer les nouveaux lieux, justement, en fait, parce que vous étiez... En fait, vous avez offert des expositions dans le coin de Beauport, entre autres, et quand même assez haut avec les bibliothèques, mais je pense que c'est une première collaboration avec le domaine Maizeray. Oui, effectivement. Donc, un peu comme la Maison pour la danse, c'est des nouveaux lieux qu'on explore cette année, des volontés de partenariat qui se sont proposées et qu'on trouvait qui étaient de bonnes pistes à explorer, là. Oui, puis dans le fond, toujours dans l'esprit d'être présent le plus largement possible, dans le fond, de donner plus de visibilité possible à la BD. Bien, on est présent avec les expositions, puis les activités qu'on organise pour la semaine numérique, notamment. On est présent de Val-Bélair à Beauport. C'est quand même, on est présent dans presque tous les arrondissements de la ville. Oui, puis en fait, les expositions sont extrêmement variées. Il y en a à grand déploiement, d'autres plus intimistes. Et là-dedans, en fait, je pense qu'on peut mentionner aussi d'entrée de jeu une première collaboration, une première exposition au Musée de la Civilisation pour Québec BD. Ouais, c'est une première exposition d'envergure, parce qu'on a déjà présenté quelques petites expos dans les corridors. Mais là, on a vraiment une exposition en salle qui va être présentée du 13 avril au 6 mai. Donc, une exposition d'Isabelle Arsenault où on va pouvoir retracer les mondes imaginaires d'Isabelle Arsenault à partir de 5 albums donc, qu'elle a fait aux éditions La Pastèque. Donc, ça va être vraiment... Fait pour ceux qui apprécient le style, entre autres, de quoi, Jane Renard et moi, L'Oiseau de Colette, exactement, etc. Louis et les Spectres. Et, donc, et c'est des œuvres originales qu'on présente dans une scénographie intéressante là, avec les capsules de la Fabrique culturelle, notamment, qui explore vraiment la création de ces œuvres. Oui, parce que tu m'as devancé, parce que je me disais, justement, d'offrir une expo dans un lieu comme le Musée de la Civilisation, comparativement peut-être à une expo en bibliothèque ou dans un café. Subitement, on est dans un lieu qui nécessite une certaine scénographie, une certaine réflexion sur la manière, un peu comme vous avez fait l'an dernier aussi à la Maison Tessier-Dilaplante et autres, autour ouais. d'Yvette Lapointe, entre autres. Oui, mais l'exposition au musée, effectivement, c'est qu'on tombe dans un autre spectre d'exposition. On l'avait fait avec le Musée des Beaux-Arts, notamment l'an dernier, où on a vraiment l'appui de l'équipe du musée, ce qui est incroyable. Puis on a la même chose cette année au Musée de la Civilisation, parce que c'est une coproduction avec eux. Donc, le Musée de la Civilisation, on travaille avec leur équipe. C'est vraiment stimulant de voir justement des gens qui en font un métier de monter des expositions, ce qui n'est pas notre cas. C'est un bel apprentissage là, par rapport à ça. Et sur le plan des expos, je pense que c'est le genre de sujet où il faut vraiment que les gens aillent sur québecbd.com pour voir la programmation. On le disait tantôt, il y en a 29 et c'est très variable, même en termes de style aussi. En fait, autant on a 28 jours de pluie sur la résidence d'Iris, autant des expos autour d'œuvres, de livres comme Giant, comme Hipster le chat, comme le Bob, autant des expos historiques comme Victor Emmanuel Roberto Wilson dont on a parlé tant la semaine il y a quelques semaines, BD en 3D, c'est très très varié et autour de ça il y a différentes techniques aussi qu'on peut voir. Prenons l'exemple de Taille douce de Mélodie Vachon-Boucher, les bibliothèques Claire Martin où là on est dans une autre l'orfèvrerie du dessin. Exact. C'est vraiment donc, Mélodie a décidé de... Je lui ai proposé une exposition au festival et au lieu de présenter les œuvres de son livre, elle a décidé de nous montrer son travail actuel. Donc, des eaux fortes qu'elle a fait pour l'exposition, qui a un lien aussi avec la poésie. Donc, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai très hâte de découvrir parce que c'est de la nouvelle création, donc je ne l'ai pas vu moi non plus, sauf en quelques images et quelques vidéos qu'on a pu mettre sur notre Facebook. Mais ça va être très intéressant parce que Mélodie, je vous le rappelle, a gagné le prix de prix Ralph Fillion l'an dernier, donc avec son livre. Et nous, ben, c'est ça, au festival, à travers la programmation, on cherche quand même à avoir une offre qui est très diversifiée. Donc, que ce soit des auteurs de la relève ou des gens établis, des livres ou des créations nouvelles, on a vraiment tenté, à travers les 29 expositions, de faire vraiment un spectre très large dans notre offre, là. Évidemment, encore là, on le mentionnait, c'est un peu partout à travers la ville. Il y a quand même une belle concentration, notamment dans l'espace public, sur la rue Saint-Jean, sur la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, où là, il y a une concentration, une collaboration avec les associations commerciales, une présence d'une exposition aussi sur la clôture du cimetière Saint-Mathieu. Mais dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, qui est quand même un partenaire du festival depuis plusieurs années, il y aura deux choses. Dans le fond, on occupe à nouveau la clôture du cimetière Saint-Mathieu avec une exposition d'autoportraits d'auteurs, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Tête de Mickey, qui a été publié par les éditions Mille Putois et Simon Bossé. Donc ça va être intéressant de voir des auteurs indépendants qui se sont eux-mêmes illustrés. C'est une exposition relativement facile d'accès parce que c'est sur la rue. Donc vous allez pouvoir l'avoir 24 heures par jour pendant toute la période du 2 au 23 avril prochain. Mais sinon, une des... des initiatives intéressantes qu'on fait cette année avec le Faubourg, c'est que les marchands vont distribuer des cartes postales qui ont été créées spécifiquement pour le quartier par quatre illustrateurs. Donc, on parle de Jeff, il y a Philippe Girard, Paul Bordelot et Bach qui ont créé des illustrations pour l'occasion. Et les gens vont pouvoir se promener de commerce en commerce pour récupérer les quatre cartes. Et ce pourquoi ce serait important de récupérer les quatre cartes, c'est qu'il y a des codes au dos. Et en ayant les quatre codes, ça vous permettra de participer à un concours et gagner des BD et différentes choses. Donc, ça sera intéressant de visiter les commerces du quartier Saint-Jean-Baptiste pendant la période du festival. Et je mentionne au passage aussi qu'en faisant la harpe du côté de la rue Cartier, il y a aussi une exposition Chronique de Montcalm, BD en réalité augmentée, dont on parlera la semaine prochaine. Et à ça, ben, évidemment, ça, il y a le volet exposition qui est donc, j'ai l'impression, en fait, le gros volet à côté du volet dédicace en termes de quantité d'événements, j'ai l'impression que c'est un peu le deuxième gros volet du festival. Oui, on a tendance à l'oublier, mais c'est majeur. Mais c'est un volet qu'on a développé beaucoup dans les dernières années. L'an dernier, on avait vraiment marqué le coup avec les 30 expos pour 30 ans. Cette année, ben, on maintient ce nombre-là parce que justement, ça permet de rejoindre les gens un peu partout dans la ville. Je veux dire, on est dans les brûleries Saint-Roch, brûlerie Limoilou, Vieux Limoilou, brûlerie Saint-Jean. On est aussi dans les cafés Castello sur la rue Cartier, dans Limoilou également. Donc, on essaie d'aller là où les gens sont pour les amener à voir de la bande dessinée. Sinon, on est même dans le réseau des bibliothèques. On est dans 11 des succursales cette année avec différentes activités. Donc, c'est pas rien. Et parallèlement, on fait volet spectacle qui reste quand même important, évidemment. On parlait de la sieste dessinée qui est supportée un peu par une nouvelle collaboration avec la Maison pour la danse. Donc ça, c'est nouveau. On parlait d'encre et dentelle, donc spectacle burlesque qui fait écho un peu à d'autres expériences burlesques qui avaient été proposées. Donc ça, c'est des nouveautés, des retours, ou il y a des classiques aussi comme l'impro BD qui avait fait une pause l'an dernier qui revient dans le contexte du festival. Oui, donc cette année, on fait un grand tournoi d'impro BD le samedi soir au Musée de la Civilisation. Ça reste une activité qui a été très populaire. L'an dernier, effectivement, on avait fait une pause pour tenter d'autres choses, donc l'improvisation musicale. Mais cette année, on revient à l'impro BD et ce sera une soirée vraiment festive le samedi soir au musée. Mais le musée est un endroit où il y a deux belles soirées, donc l'impro BD le samedi, mais il y a aussi le lancement de notre bière qu'on a fait assembler par la brasserie Donham le vendredi soir avec les gens de la Claire ensemble. Donc il y aura projection d'illustration d'André Monpetit, qui est l'auteur qui a créé, si on veut, l'étiquette. André Monpetit, qui est un des pionniers de la nouvelle bande dessinée québécoise à la fin des années 60. Donc un auteur qui est aujourd'hui décédé malheureusement. Mais ce sera l'occasion, à travers cette soirée-là, de redécouvrir son œuvre et la musique de la Claire Ensemble qu'on connaît bien. Et une bière du festival. En fait, pourquoi une bière du festival? Pour le plaisir. Donc, en tant qu'amateur de bière moi-même, c'est quelque chose que j'enviais des fois à certains événements de se faire produire une bière. Et on a approché la brasserie de Donham pour leur lancer l'idée. Et ça a tombé au même moment que les productions Heavy Trip, donc les gérants, si on veut, de la Claire Ensemble, qui eux aussi avaient fait de même. Fait qu'on s'est associé pour la création de cette bière-là. Une bière qui n'a pas un nom particulier, c'est un onomatopée, donc je ne pourrais vous le dire aujourd'hui. Mais donc c'est une bière qui va être distribuée exclusivement au Festival de Québec et dans une série de concerts qui est organisée par les productions Heavy Trip qui s'appelle OK Là. Et donc, d'où la présence justement de membres d'Ala Claire Ensemble au lancement de la bière au Musée de la Civilisation. Dans une grosse soirée, d'ailleurs, en fait, le vendredi 13 avril, juste avant, c'est les BDIS. On commence l'exposition d'Isabelle Arsenault. Exact. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en même temps. La veille, c'est une soirée un peu plus tranquille. En fait, c'est les contes illustrés que j'ai le plaisir de chapeauter avec Parenthèse 9. Exactement. Puis, on présente aussi en première canadienne le film Un homme est mort, qui est une adaptation d'un livre d'Étienne Davodeau et de Chris. Donc, un album qui avait été publié chez Futuropolis et qui avait été extrêmement bien reçu. Donc, il y a eu une adaptation en dessin animé par un producteur français destiné à la chaîne Arte. Donc, on en présente la première canadienne au musée à 19h, donc le jeudi. Donc une occasion, et c'est gratuit en plus. En fait, toutes les activités qu'on mentionne depuis tantôt, c'est gratuit ou contribution volontaire, donc c'est assez accessible. Même chose pour le tournoi d'impro BD, et j'ai l'impression, en fait, au musée Thomas-Louis Côté, on fait beaucoup de programmes doubles, donc il y a toujours deux programmes qui se côtoient, qui peuvent justement amener différentes clientèles à se côtoyer aussi. Et le samedi, juste avant le grand tournoi d'impro BD, c'est que vous lancez votre nouvelle collaboration avec Lyon BD, donc qui s'appelle la BD à voix haute. Oui, mais la BD à voix haute, c'est un projet qu'on a développé au courant de l'année, donc avec les gens de Lyon BD. C'est une web-série qui se veut une occasion pour les gens de découvrir des bandes dessinées, mais lues par leur auteur. Donc, c'est pas, on ne veut pas montrer les bandes dessinées, on veut les raconter. Donc, on a invité des auteurs à se prêter au jeu et on a déjà 4 capsules de produites. On va en produire 4 autres durant le Festival de Québec et ensuite 4 autres à Lyon pour en avoir une par mois pendant un an. Donc, on va lancer les premières. Il y a des gens qui ont participé, donc Iris, Michel Rabagliati, Charles Berberian et Guillaume Long, qui sont les 4 premiers participants. Pourquoi lire une BD à voix haute? Parce que, dans le fond, j'ai eu l'occasion, tu m'as envoyé justement quelques-unes des capsules pour que je comprenne bien c'est quoi. Et je pense que c'est important de le spécifier. Et je pense qu'on avait parlé un peu aussi quand on s'était croisé en janvier. On ne voit pas les images de la BD, donc c'est purement les auteurs qui lisent la BD, qui commentent la BD. Bien, on veut que les gens s'imaginent la bande dessinée. Moi, l'exercice que j'avais vu qu'un auteur lise une bande dessinée, la seule chose que ça me donnait, c'était d'aller voir l'album après pour voir si l'idée que je m'en étais fait était vraie. Donc, on a voulu amener ça en vidéo et ça permet aux auteurs de vraiment rentrer sur les dessous de la création, mais sans devoir expliquer spécifiquement chaque image. Et pour le public, bien, ça permet de se concentrer sur ce qu'il dit plutôt que de tenter de lire les planches au fur et à mesure pendant que la personne parle. Et en parallèle, en fait, pour terminer un peu sur le volet spectacle, donc vous terminez ça à la Maison de la littérature le dimanche avec un spectacle à billetterie. Je pense que c'est la deuxième fois depuis quelques années qu'on se lance un peu dans les événements à billetterie dans ce cas-ci. Et j'ai l'impression que ça va se vendre et ça va se remplir assez vite. Le concept est intéressant. On va en parler tantôt avec Jean-Dominique Leduc pour la première partie qui est une lecture de la bande dessinée White Horse de Samuel Quentin. Et vous suivez avec une représentation d'une adaptation en théâtre de marionnettes de La Guerre des Arts de Francis Desharnais. Oui, bien, on a vraiment un beau programme double pour terminer. Tu parlais qu'on faisait souvent des programmes doubles, donc on n'est pas... On continue dans cette lignée-là pour le dimanche. Donc, en deuxième partie, vu que tu vas parler à Jean-Dominique plus tard, en deuxième partie, c'est vraiment Geneviève Thibault qui a fait une adaptation de la bande dessinée de Francis Desharnais, mais en théâtre d'objets. Donc, ça s'est fait à la base dans une résidence qui a eu lieu à la Maison de la littérature. Donc, il y a déjà eu une première mouture qui a été présentée l'an dernier. Et ce qu'on présente cette année, c'est vraiment le produit final, si on veut, de cette création-là. Donc, une production qui devrait partir en tournée au courant de l'année. Là. Donc, c'est vraiment l'occasion de le voir en avant-première, presque un peu, puisque... En deuxième, parce que ça a été présenté à Montréal okay, donc déjà en deuxième fois. Première. Et parallèlement, puisqu'on parle de la Maison de la littérature aussi, pendant la semaine, en fait, il y a toujours une volonté, j'ai l'impression, de profiter de la présence de certains invités de marque du festival pour offrir un peu, j'ai envie de dire, des classes de maître ou des conférences, des mini-formations, si on peut dire. Oui, mais on a deux autres activités à la Maison de la littérature. Donc, le samedi, toute la journée, on a une journée de d'ateliers avec trois auteurs, dont Sébastien Gnadig, qui est aux éditions Futuropolis, qui est éditeur, mais qui a aussi été directeur d'Humanoïdes Associés, entre autres, et qui est auteur. Donc, l'idée, ça va être de voir avec lui comment un jeune auteur qui veut présenter des dossiers à un éditeur européen ou à un éditeur en général peut travailler, c'est quoi le mode de fonctionnement de tout ça, et de parler de son expérience en général. Et par la suite, ben, il y a Boulet qui va faire un atelier. Et c'est des ateliers participatifs. Je veux que les gens qui soient là s'impliquent. Donc, c'est des groupes de 12 maximum. Il ne reste que très peu de place. Donc, Boulet va discuter plutôt de comment s'amuser avec le genre. Il y a, avec son blog, il a travaillé beaucoup sur les nouvelles formes de narration verticale, entre autres, et tout. Donc, l'idée, ça va être de discuter avec lui de ça. Et sinon, ben, Lisa Mandel, par la suite, qui va venir parler de son expérience de BD reportage, parce que c'est un genre qu'on voit quand même de plus en plus, mais elle en a fait quand même des très intéressants là, dans le Nord-Pas-de-Calais, entre autres, et pour l'élection présidentielle française. Et ça nous donne d'ailleurs quelques indices sur d'autres invités qu'on n'a pas mentionnés, parce que dans tout ça, je ne te fais pas non plus lister les auteurs européens qu'on reçoit, mais il y a aussi, dans le fond, puisqu'on parle de BD reportage, il y a Mathieu Sapin qui est là. Il y a aussi Fabien Toulmé, en fait, qui est de passage avec. Il avait fait le superbe Ce n'est pas toi que j'attendais. Et on organise justement à la Maison de la Littérature, le samedi après-midi, une rencontre avec Fabien Toulmé qui va discuter. C'est une rencontre qui est organisée avec le réseau Trisomie 21 pour la bonne raison que son livre Ce n'est pas toi que j'attendais raconte son histoire de père qui attend un enfant impatiemment et quand l'enfant arrive, il se rend compte que l'enfant est trisomique, donc une trisomie non détectée. Donc, un très, très beau livre, mais si vous n'avez pas le temps de lire le livre d'ici la rencontre, venez quand même, vous allez adorer l'entendre parler de son expérience et de comment il a pu traiter ça en bande dessinée. Oui, puis en fait, un peu comme pour la BD à voix haute, je veux dire, on n'a pas besoin de lire l'album pour en entendre parler. Des fois, ça donne envie de le lire et on le lit avec un autre regard, avec un autre type d'expérience, si on peut dire. Et dans la sphère aussi des relations avec d'autres différentes conditions, handicap et autres, il y a aussi, on peut le mentionner, Expo et causerie du côté de la galerie Vincent et moi de l'IRDPQ. Là. Oui, donc un projet avec la galerie Vincent et moi où Paul Bordelot et Richard Valran se sont associés avec un autre dessinateur qui travaille au sein de Vincent et moi pour créer une exposition et il y a un 5 à 7 causerie le jeudi soir. Et c'est intense comme programmation, Thomas Louis, en fait, parce que on a passé, et là, les gens vont peut-être dire, ben, en fait, oui, ça fait pratiquement 40 minutes, demi-heure qu'on jase la programmation, on a été dans le détail, mais il y a encore plein d'activités qu'on a à peine mentionnées. Ça montre à quel point, en fait, il y en a énormément. Oui. Et j'aurais envie, en presque terminant, en fait, comment tu fais pour te dépêtrer là-dedans? Parce qu'en termes d'événements, 29 expositions, il y a, mon Dieu, pratiquement un ou deux spectacles par jour, donc facilement une quinzaine de spectacles. Il y a des auteurs, t'en as toujours au-dessus d'une centaine qui sont de passage à Québec. Il y a des lancements qu'on n'a pas mentionnés, puis des soirées spéciales. Il y a les formations, il y a les capsules qu'il faut préparer aussi. Je veux dire, comment tu fais? Je me le demande encore. Non, mais c'est énormément de travail, mais j'ai quand même des bons alliés au travers de tout ça qui partagent la tâche avec moi, là. Mais c'est certain que c'est un peu la folie d'un festival, hein, c'est de partir puis de profiter des opportunités qui se présentent pour bâtir la programmation. Et en bout de ligne, on se ramasse que ce soit toujours plus gros qu'on le pense. Donc, on a parlé d'auteurs, on a parlé d'expos, on a parlé de spectacles et tout, mais il reste quand même des surprises. On est à 2 semaines de l'événement et je sais qu'il y a des petites surprises que je vais pouvoir annoncer la semaine prochaine. Donc, c'est des choses qui vont s'ajouter encore. Mais on ne peut pas dire non, des fois, des choses qui nous sont offertes. Oui, ou des fois, en fait, simplement dans le plaisir de la répétition, qu'on pense, par exemple, aux rencontres en BD au Musée national des Beaux-Arts du Québec, j'ai l'impression que c'est désormais tradition et qu'à la limite, c'est les auteurs qui en viennent à le demander, cette activité-là, autant que le public. Là. Mais c'est effectivement, on parlait de la sieste dessinée, tantôt du modèle vivant avec le café. Le dimanche au Musée des Beaux-Arts, c'est aussi un moment de tranquillité et un moment de tranquillité qui vraiment apprécié par les auteurs qui y participent après avoir passé quelques jours au Salon du Livre où c'est le brouhaha, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Au musée, c'est une pause, un dessin d'1h30 dans une salle d'exposition, donc de profiter du moment et de la rencontre même entre les auteurs, parce qu'on met souvent les auteurs ensemble dans les salles, ben, les gens le demandent effectivement. Là. Ceux qui l'ont fait apprécient beaucoup ce moment-là. Alors ça, c'est la frénésie de l'événement. Peut-être en terminant, on a mentionné quelques auteurs. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux nous lancer comme ça à brûle-pourpoint? On a parlé beaucoup des auteurs européens, mais il y a énormément. Tu parlais d'une centaine d'auteurs, une centaine d'auteurs québécois aussi, là, donc, qui sont sur place. Donc, Luc Bossé et Alexandre Simard qui vont venir lancer le deuxième tome de Yves Leroy de la Crouse, entre autres. Il y a des gens comme Jacques Lamontagne qui vont être présents. Sophie Labelle aussi, une auteure trans là, qui avait fait discuter quand même pas mal par rapport à ce qu'elle avait fait. Yann Fortin qui a lancé un livre aux éditions Dupuis. Ça peut être Iris, Zviane, il y a énormément de gens qui seront là. Yvon Roy qui va être là tout aussi. Tout le monde est là. Oui, il y en a pas mal. Tout le monde est là. J'ai l'impression, fait des fois, on passe à un auteur québécois, puis une chance sur deux chances sur trois qu'il soit là. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, en fait, la programmation détaillée, on le mentionne encore, donc elle est sur québecbd.com. La totale est là. Il y a le Salon du Livre, il y a les spectacles autour et le reste. Il y a des surprises en plus qui vont s'ajouter au fil des prochaines semaines. Et donc, en fait, j'ai presque envie de dire, Thomas-Louis Côté, nous, on va se recroiser ça et là pendant le festival qui, cette année, donc du 7 au 15 avril, donc à Québec, donc le 31e Festival Québec BD. Thomas-Louis Côté, merci. Merci à toi. Et nous, avant, je mentionne aussi que La Vie en BD sera en direct du festival. On fait partie des animations et rencontres d'auteurs là-bas. Donc, on aura le samedi 14 avril à 13h30, on fait une émission spéciale d'une heure qui sera offerte dans l'espace du Centre des Congrès de Québec autour justement de rencontres en BD. Alors voilà, pour ces différents clins d'œil, on va poursuivre vos retours autour justement du festival et de parler de cette mise en lecture de White Horse de Samuel Quentin. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Alors, toujours à l'antenne de CKRL 89.1, dernière ligne droite de l'émission La Vie en BD. On avait envie de porter un regard un peu plus approfondi sur l'un des spectacles, justement, l'un des nombreux spectacles qui est à l'horaire du côté du Festival Québec BD. Il s'agit d'une mise en lecture, en fait, de White Horse de Samuel Quentin. Une idée de Jean-Dominique Leduc, qui est libraire à la librairie Z, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Salut Raymond. Et Jean-Dominique, en fait, j'ai l'impression qu'un projet comme celui-là, ça rejoint un peu, d'un côté, on te connaît beaucoup ici à l'émission comme chroniqueur BD, grand amateur de bande dessinée et libraire, mais t'es également comédien, et ça, on le sait bien aussi de par, entre autres, des apparitions dans la série L'Auberge du Chien Noir. C'est un peu, dans le fond, une occasion, j'imagine, pour toi de joindre tes deux passions, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était aussi... De rendre hommage à l'art du dialogue. Je considère que Samuel Quentin, c'est l'un de nos bons dialoguistes au Québec. Et moi, dès la première lecture de White Horse 1, je me suis dit, il y a quelque chose là, ça sonne parler. Et à l'époque, j'étais pas encore copropriétaire d'une librairie, mais j'avais eu envie d'explorer cette zone-là. Donc, en lisant le deuxième tome, là, je me suis dit, tiens, l'occasion est trop bonne, creusons un peu ce filon-là. Voilà, exactement. Donc, comme c'est bien dialogué, le gros, en fait, du travail, c'était de faire un montage de fond pour essayer de, de donner corps à ce texte-là. Mais et le résultat est assez étonnant. Oui, parce que c'est important de le mentionner. En fait, il y a des titres, des fois, des BD qui se lisent bien, mais que quand on commence à les émettre à l'oral, subitement, on se rend compte qu'ils sont faits pour être lus, si on peut dire. Et dans le cas de livres comme celui de Quentin, autant que d'autres, je pense à Michel Falardeau, entre autres, on dirait que c'est des textes qui coulent de source. Quand on se met à les lire, ça marche. Ils réussissent à rendre le rythme de la vraie conversation. Ah oui, tout à fait. J'ai lu dernièrement Vie d'artiste de Catherine Oslo, et c'est la même chose. Catherine, dans son nouvel album, à mon humble avis, c'est vraiment comme une dialoguiste très, très talentueuse aussi. Donc, il y a des albums qui se prêtent bien à ça. Il y a plusieurs années, ça va faire mon âge, mais il y a 19 ans, alors que j'étais encore étudiant à l'école de théâtre, j'avais monté un spectacle, et c'était un montage d'extraits de bande dessinée de Louise Trondheim. Et c'était la même chose, c'était des extraits qui étaient très, très bien dialogués. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des passerelles à faire. Souvent, on fait le lien entre la bande dessinée et le cinéma. Mais lorsque c'est bien dialogué et que le ton s'y prête, ça peut aussi donner d'étonnantes surprises. Et puis donc, j'ai emprunté la forme de la lecture dite conventionnelle au théâtre. C'est-à-dire qu'on lit un texte au lutrin devant public. C'est souvent en création une première étape dans la vie d'un spectacle là, qui mène après dans son format final. Et donc, j'aimais bien cette idée de lire ça au lutrin. C'est assez impromptu. Et aussi, les gens du milieu de la bande dessinée ne sont pas très habitués à ça. Donc, de lire des extraits de bande dessinée au lutrin, ça crée une espèce d'événement. Les gens ne savent pas trop à quoi ils vont assister. Et en plus, quand on lit du Samuel Quentin, ben là, c'est dédoublé. Là. Cette espèce de dose inattendue, tout à coup, prend tout son sens. Et je trouve intéressant, justement, aussi d'offrir, en fait, un autre regard sur la bande dessinée au-delà de l'image. Parce qu'on a tendance à beaucoup ramener la bande dessinée à un médium visuel, ce qui est le cas, mais c'est aussi un médium écrit. Et donc, de créer, dans le fond, un autre imaginaire, j'ai l'impression, simplement autour des mots, autour des situations qu'on comprend, qu'on saisit au fil de la lecture. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'avais déjà fait un premier test au Collège Maisonneuve l'année passée dans le cadre d'un événement littéraire. Et c'était ma façon de tester White Horse. On avait lu un extrait du premier tome. Et on n'avait averti personne. Et les professeurs de littérature étaient convaincus que c'était un romancier québécois. Et là, il me demandait les coordonnées. Et finalement, au Collège Maisonneuve, il y a un professeur de français qui a mis à l'étude cette année White Horse de Samuel Quentin, malgré le fait que ce soit une bande dessinée. Donc, je trouvais que c'était vraiment une excellente nouvelle. Et en même temps, quand j'ai vu Jean-Dominique Leduc, que tu décidais de te lancer dans White Horse en mise en lecture, en même temps, c'est une œuvre fleuve. Samuel Quentin le décrit pratiquement comme un long métrage. C'est pratiquement 720 pages de BD et c'est aussi, avouons-le, quand même très verbeux. C'est du beau verbe, mais il y en a beaucoup. Donc là, dans le fond, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il va... C'est pas une lecture de 12 heures non plus. Donc, il y a de la job de synthétiste, il y a de la job de coupe, d'organisation derrière tout ça aussi. Ah oui, tout à fait. En fait, j'ai cerné deux extraits. Donc, un passage dans le premier album et un passage dans le deuxième album. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé le matériau. Donc, j'ai coupé à certains endroits dans le dialogue. J'ai aussi créé une narration parce qu'évidemment, comme il n'y a pas de support visuel lors de la lecture, c'est important de bien décrire l'action. Et donc, j'ai essayé de me coller le plus possible sur le ton et l'univers de Samuel Quentin. Et donc, ce que j'ai fait, au bout du compte, c'est que c'est deux extraits qui seront lus. Deux moments clés dans l'histoire. Donc, on ne lit pas White Horse au complet. C'est vraiment deux scènes clés. Et c'est aussi une façon de donner envie aux gens qui n'ont pas lu White Horse d'aller le lire. Et alors, pour ceux et celles qui l'auront lu, ben, c'est ça, c'est d'ajouter une perspective à cette lecture-là, une interprétation, parce que, bon, Antoine Dupin et moi... Évidemment, on y va avec ce qu'on est, nous, comme acteurs, puis comme avec notre sens du comique aussi, puis du rythme. Mais c'est fou à quel point ça exigeait, somme toute, très, très peu de travail d'adaptation. Si c'était toujours facile comme ça, ben, il y en aurait à toutes les semaines des lectures de bande dessinée. Mais là, malheureusement, ce ne sont pas, comme tu le disais tantôt, ce ne sont pas toutes les lectures qui se prêtent à cet exercice-là. Oui, donc dans le fond, une fois qu'on a cerné, en fait, qu'on a bien cerné l'extrait où il y a quelque chose qui se passe, il y a une évolution, il y a un rythme dans l'action. Après ça, ça devient facile de le transposer. J'imagine que dans le fond, tu parles de moments charnières, donc faut bien choisir justement ce moment-là pour qu'il veuille quand même dire quelque chose, soit sur l'ambiance, soit sur l'action, idéalement sur les deux. Et puis, la beauté des didascalies qu'on lit à voix haute, c'est que ça permet justement de résumer l'histoire. Donc, en quelques phrases, ça nous permet déjà de nous rendre à l'extrait. Et donc, il y a une compréhension là, qui se fait tout naturellement. Parce que, bon, lire Whitehorse intégralement d'un bout à l'autre, beaucoup de temps. Oui, en fait, ça serait vraiment un marathon. En fait, ça serait un bon 6-8 heures et plus de lecture oui, là, de ce côté-là. Mais vois-tu, Raymond, nous, on l'a lu dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal, à la librairie Z. Et ça a connu un gros succès. Et déjà, il y a des gens qui voyaient ça sur scène, qui voyaient une transposition théâtrale. Et même si on pense, quand on pense à Samuel Quentin, on pense d'abord au cinéma, je crois qu'effectivement, Whitehorse, de par son côté farfelu, pourrait très, très bien, avec évidemment beaucoup de travail, mais je pense que ça pourrait très, très bien passer sur scène, justement. Ça serait assez intéressant de voir ça. Oui, en fait, faudrait se créer un théâtre de la BD ou quelque chose du genre. Faire des adaptations et essayer de développer un peu ce créneau-là. Mais reste que justement, tu le mentionnes, t'en as fait quelques lectures et t'en as fait aussi à ta librairie du côté de Montréal. Donc, t'as déjà pu voir un peu le type de réaction que tant les gens, les amateurs de BD que les gens qui connaissent peut-être un peu moins, qui viennent là par la curiosité justement de l'expérience, qui découvrent un peu le médium à travers ce spectre-là. J'imagine que ça doit donner des réactions assez intéressantes aussi, là. Ah oui, tout à fait. Bon, évidemment, lorsque je travaillais le matériel, bon, moi, je rigolais à mon ordinateur en pensant aussi que Antoine Vézina jouerait certains des personnages. Antoine, c'est un comédien avec qui j'ai déjà travaillé au théâtre, donc, et c'est un acteur au sens comédique extraordinaire, ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Donc, je riais déjà à mon clavier. Lorsqu'on a fait une brève répétition tous les deux ensemble, et là, lorsque je l'ai entendu lire, je me suis dit, OK, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je m'attendais à ce que les gens rient, c'est normal, mais les réactions étaient au-delà de ce à quoi je m'attendais. J'étais très, très étonné de voir à quel point ça a bien fonctionné et que ça a suscité la curiosité. Nous avions fait l'année passée à la librairie un montage de lecture que j'avais également signé. C'était des extraits de La guerre des arts et des premiers aviateurs. De Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau. Et ça aussi, ça avait bien fonctionné. Donc, il y a du matériau qui existe et qui se prête à cet exercice-là. Et d'ailleurs, on est en programme double avec La guerre des arts en théâtre d'objets. Est-ce que je me trompe? Exactement, en fait. Donc, un autre type, un autre contexte d'adaptation, mais qui est... En fait, je pense que les amateurs du côté peut-être un peu absurde de la bande dessinée aussi vont trouver leur compte là-dedans. Là. Je pense que ça va bien cadrer ensemble pour avoir vu la première mouture de La guerre des arts ici à Québec. Là. Ah oui, hein? Oui. Donc, ce sont des univers qui s'y prêtent bien. Alexandre Fontaine-Rousseau, tantôt, que je n'ai pas nommé, qui est aussi un très, très bon dialoguiste. On le fait, Francis Desharnais aussi. Donc, ne serait-ce que juste dans le milieu québécois, moi, je vois beaucoup de... Je vois vraiment beaucoup de potentiel d'adaptation. Mais ça, évidemment, c'est mon chapeau d'acteur qui voit ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est un créneau à explorer davantage au Québec. Alors, on aura l'occasion d'amorcer une exploration avec toi et avec les autres artistes qui seront présents sur la scène de la Maison de la littérature dans le cadre du Festival Québec BD. Je le rappelle, ça c'est dimanche le 14 avril en après-midi, donc à 15h, ça clôture le festival. Jean-Amélie Leduc, merci de nous en avoir jasé un brin. Mais merci beaucoup, Raymond. Et à une prochaine. Bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc Jean-Dominique Leduc, libraire, chroniqueur BD, comédien, qui, on le remercie donc, met toutes ses passions en une dans le contexte de cette proposition de mise en lecture de Whitehorse de Samuel Quentin qui aura lieu, donc je le rappelle, le 14 avril. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La vie en BD la semaine prochaine. Mais on va poursuivre un peu sur le Festival Québec BD, plusieurs autres événements qu'on a envie d'explorer de manière un peu plus approfondie. Alors c'est ce qu'on fera. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.